Yeah. Moi j'ai trouvé solution, fini pour moi le classéo, j'ai acheté Calebas. Yeah. On dit qu'il y a conjoncture, moi j'ai trouvé solution, importer c'est beaucoup cher, maintenant je suis dans Bouboué. Souviens quand on vendit beaucoup cher, tu comptes économiser mon frère. Ça m'arrache cordonnier au marché de Boisqueo. On dit qu'il y a conjoncture, moi j'ai trouvé solution. Fini pour moi le classéo, j'ai acheté Calebas. Conjoncture son affaire, moi j'ai moyen lui hein. Même s'il n'y a pas courant, il y a huile de palme, mon cher. Tu es fou. Yeah. On dit qu'il y a conjoncture, moi j'ai trouvé solution. Fini pour moi le glacéo, j'ai acheté Calebas. On dit qu'il y a conjoncture, moi j'ai trouvé solution, importer c'est beaucoup cher, maintenant je suis dans Bouboué. Souviens quand on vendit beaucoup cher, tu comptes économiser mon frère, ça m'arrache cordonnier, au marché c'est moins cher. On dit qu'il y a conjoncture, moi j'ai trouvé solution. Fini pour moi le glacéo, j'ai acheté Calebas. Ah ah, yeah. Oh maman. Au bord de la lagune. Yeah. On a un boca, hein? C'est la danse, ne vous fatiguez pas. Hein? Yeah. malheur aux imitateurs. Et Mawa. Fini pour moi l'or glacé, oh. J'ai acheté Calebas. On dit qu'il y a conjoncture, moi j'ai trouvé solution. Importer c'est beaucoup cher, oh. Maintenant je suis dans Bouboué. Souvenez quand on vendit beaucoup cher, oh. Tu comptes économiser mon frère. Ça m'arrache cordonnier, à Boaké, c'est moins cher. On dit qu'il y a conjoncture, moi j'ai trouvé solution. Fini pour moi l'eau glacée, oh. J'ai acheté Calebas. Maintenant tu n'as qu'à moyen, on va voir. Voilà toi, voilà à faire. C'est costaud, hein. Yeah.